Cours numéro 35. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Fantahina ams wa lillahil hamd. On a terminé hier ensemble le chapitre sur l'Iman. Wa l'Iman inda ahli sunna qawlun wa amalun wa i'tiqad. C'est des paroles avec la langue, une croyance avec le cœur et des actions avec les membres. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Hada l'Iman, il augmente et il diminue. Et hier, on n'a pas cité beaucoup de preuves par rapport à l'augmentation de la foi et la diminution. Enfin, on peut ajouter quelques ayats. مثل قول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Donc ce verset, il est clair في زيادة الإيمان. قال عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. Ça fait monter la foi de ceux qui ont cru. Et كذلك قوله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أما النقص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاز من إحداكن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأثبت نقص الدين. الدين c'est fondé sur l'Iman, sur la foi. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. Et en parlant des femmes, ils ont des faiblesses dans l'aql et dans le din. Donc ça montre que la foi, elle descend. كذلك تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Ça nous montre أن الإيمان منه أعلى, un إيمان élevé. Et la partie la plus élevée de la foi, c'est At-Tawhid, bien sûr. Et Minhu Adna. Ça nous montre que ces branches de l'Iman, celui qui les accomplit, son Iman, il va monter. Et celui qui va en délaisser, son Iman, il va descendre. Fa Adnaha, et la plus basse, ou le plus bas niveau de la foi, c'est Imatatul Adani Tariq. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص. أما في القرآن on n'a pas un nas fi an-naqs. On n'a pas un verset qui montre clairement que la foi elle descend aybin nas avec ce mot naqs comme on a lu ensemble certains versets fi ziyada fa zadatuhum imana wa qul huwa yazdad alladhina amanu imana. Vous avez remarqué que dans ces versets on a le mot ziyada et l'augmentation. On n'a pas de verset sur la diminution. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم لو فرض même si on suppose qu'on n'a pas de texte sur la diminution de la foi قال فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص فنقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه. أي tous les textes qui prouvent, qui montrent que la foi elle augmente, كذلك c'est des arguments qui montrent que la foi elle diminue. لماذا؟ لأن شيخ ابن عثيمين قال فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص. Et si quelque chose elle augmente, forcément elle diminue. لأن avant d'avoir augmenté, donc elle était faible ou elle était moins élevée. Donc tous les textes qui montrent l'augmentation, c'est des preuves كذلك qui montrent la diminution. Et on a des preuves من السنة qu'on a cité de hadith et كذلك on a إجماع السلف على هذا. L'unanimité c'est une preuve. ولله الحمد. أما الأسباب, on avait dit qu'on les citera inshallah ta'ala ensemble si on étudie ونسأل الله عز وجل التوفيق la رسالة de الشيخ سعدي رحمه الله. شجرة الإيمان il les a cités en détail. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a cité quelques causes. Les causes pour que la foi elle augmente. La première cause, ma'rifatullah. Azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi. Ça c'est la cause la plus importante. connaître Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm, connaître les noms d'Allah azza wa jal, ses attributs, ça fait monter l'iman. Celui qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rahim, c'est le Ghafour, c'est le Karim, c'est le Wadoud, c'est le Jabbar, etc. Et il connaît les attributs d'Allah azza wa jal, ça va lui faire monter l'iman. Et il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il va espérer min Allah azza wa jal. La deuxième cause, elle nadar fi ayatillah, al-kawniya wa al-shar'iya. Naam, méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les signes d'Allah azza wa jal. Que ce soit le kawniya, est-ce que Allah il a créé les cieux, la terre, etc. Ou al-shar'iya, les versets du Coran al-Karim, les hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ça fait monter la foi. La troisième cause, katratu ta'at. Bien sûr, obéir à Allah azza wa jal, ça fait monter la foi. La quatrième cause, délaisser les péchés tarko al-ma'asiyya. Bien sûr, taqarruban ilallah. Pour se rapprocher d'Allah azza wa jal, tout ça, ça fait monter la foi. Et asbab al-naqs, les causes qui font diminuer la foi, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. قال شيخ العثيمين رحمه الله الإعراض عن معرفة الله وأسمائه وصفاته se détourner, ne pas vouloir apprendre خاصة هذه العقيدة الطيبة الصحيحة المهمة connaître الله سبحانه وتعالى son messager صلى الله عليه وسلم son دين دين الإسلام la deuxième cause الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية ne pas méditer sur les signes d'Allah عز وجل sa création ou la révélation الثالث قلة العمل الصالح et ne pas faire beaucoup d'obéissance, beaucoup d'adoration, ça peut provoquer sans aucun doute une diminution de la foi. La quatrième cause, fi'lul ma'asi, les péchés bien sûr. Wallahu al-musta'an. Varaji' sharh Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah inda qawl al-mu'allif wa anna al-iman yazid bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asiyah. Hadha al-bab il est muhim, bab Al-Iman. Et comme on l'a vu ensemble hier, walillahi alhamd, anna al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah lakhassahu bi talkhisin jamilin mufid sahl. Il a résumé hadha al-bab comme tous les abwab fi al-wasiti avec un résumé très très simple, bénéfique et profitable. Qala al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa min usul ahli sunnah wal jama'ah سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا الأصل المهم شيخ الإسلام Rahmatullah alayhi, il l'a cité dans cette aqida. Elle a parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah, salamatu qulubihim wa al-sinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Annahum, ils aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, et kadalik, ils n'éprouvent aucune haine, aucune rancœur contre as-sahaba radiyallahu anhum. Et kadalik, ils ne les citent que bil jamil, combien. Celui qui n'aime pas as-sahaba radiyallahu anhum, ou qui les critique, ou iyadan billah yukaffiruhum, c'est madhhab al-rafida al-dullal al-zanadiqa. Ça c'est la voix des rawafid des chiites, akhzahumullah. Amma sunni fa yuhibbu as-sahaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم نعم قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون أي هذا الدعاء ceux qui sont venus après eux أي après المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم Qu'est-ce que les croyants y disent ? رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ Ya Allah, pardonne-nous et pardonne à ceux qui sont venus ou qui étaient avant nous, من المؤمنين. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا الْغِلْ c'est le حِقْد, c'est la rancœur, c'est la haine. لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Celui qui croit en ce dua et qui fait ce dua, ça montre qu'il aime ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Limada li annahum c'était des croyants. Bel c'était les meilleurs croyants après les prophètes et les messagers alayhim as-salatu was-salam. Et al-mu'min il aime haoula. Il aime al-muhajirin, il aime al-ansar, il aime les femmes du prophète alayhi salatu was-salam. Il aime la famille du prophète alayhi salatu was-salam. Ay al-mu'minun minhum, ceux qui ont cru parmi eux. قال الشيخ سعدي رحمه الله لأن من دعا في أمر من الأمور فهو الساع في تحقيقه فاجتهد في طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم نعم قوله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Et ceux qui nous ont précédés et qui avaient la foi. Il n'y a aucun doute que les meilleurs de Haoula après les prophètes et les messagers, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. قال ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم. نفي الغل أي ne pas ressentir de haine, de rancœur envers eux, رضي الله عنهم, ça montre que l'insan il les aime. C'est pour ça que tu trouves الكفرة والزنادقة من روافض وغيرهم ils critiquent أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بعض المنحرفين à notre époque يطعنون في الصحابة ليلا ونهارا comme المنحرف الضال سيد قطب أنه كان يطعن في معاوية بطعونات شديدة et معاوية رضي الله عنه il faisait partie des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم وكذلك كان يطعن أي سيد في عثمان رضي الله عنه وفي عمر ابن العاص رضي الله عنه et d'autres parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام فاحذر أخي الكريم الصحابة رضي الله عنهم c'était des croyants بل c'était من أفاضل المؤمنين ونصروا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم donc pourquoi les critiquer pourquoi leur en vouloir pourquoi ressentir de la rancœur ou de la haine envers eux هذا celui qui ressent هذا إما رافض خبيث إما تأثر بهم وانحرف كما هو حال بعض الحزبيين المنحرفين أنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم et tu trouves أعداء الله من كفر من يهود ونصارى والمشركين ils sont في السلامة من هؤلاء tu les trouves ils critiquent les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et ils parlent en bien des juifs des chrétiens etc ومن هؤلاء الخبثاء الضلال الزنادقة عدنان إبراهيم خبيث من الخبثاء الضلال qui vit à notre époque شغله الشاغل c'est de critiquer هؤلاء الأخيار ولا شك أن الرجل إما زرافضي إما عيدا بالله تأثر بهم إلى des ambiguïtés très très graves يطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم بطعونات شديدة فأن في attention والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك c'est ça un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم c'est un homme ou une femme qui a rencontré un nabi عليه الصلاة والسلام qui l'a vu ou pas il y en a ce compagnon peut-être qu'il était aveugle donc au minimum une rencontre même un court instant tant qu'il l'a rencontré même une minute, même moins, même plus et il l'a rencontré bien sûr en étant croyant et il est mort sur la foi هذا c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui viennent après هؤلاء الأخيار ils n'arriveront jamais à leur niveau أبدا لماذا لأن le fait d'avoir rencontré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant c'est un fadl sur tous les autres C'est pour ça que les Sahaba radiallahu anhum ils sont meilleurs que tous ceux qui sont venus après eux. C'est très très grave. Mais يقول الوعد sur Muawiyah radiallahu anhum. Muawiyah il faisait partie de Kutab al-Wahi, ceux qui écrivaient la révélation. Il a vu un Nabi sallam, il a accompagné un Nabi sallam. Son père, كذلك, Abu Sufyan, c'était un sahabi, radiyallahu anhum ajma'in. Falimada ta'an fihim, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal à haoula pour qu'ils les critiquent? Ceux qui les critiquent, كما قلنا, imma c'est un rafidhi, un khabith, imma ta'athara bihim, et Allahu a'lam bihalih. Wa ala kulli hal, on fait attention et on le déteste fillah. Limada li'anna. Il y en a détesté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont parlé en mal sur eux. Alors ça montre l'égarement. Et on doit détester l'égarement et ceux qui le propagent. قال ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم فهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم لفضلهم وسبقهم واختصاصهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم على جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. Donc ils ont un fadl azim alayna. As-sahaba radiyallahu anhum. On doit être reconnaissant. Wa la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'oula, ils ont cru au départ. Ils ont souffert. Au début, c'était difficile. Il y en a l'islam, ou les musulmans, les croyants, ils étaient peu nombreux. Et les kuffar, ils étaient nombreux. Et ils ont subi beaucoup d'injustices. Ils ont été chassés de leur pays, ils ont été torturés, certains parmi eux, ils ont été accusés, etc. Et ils ont fait beaucoup d'efforts. Alors, Ardhum, ils ont été tués. Fi sabilillah, fi jihad. Ba'dhum, ils ont été blessés, ba'dhum, ils ont perdu leurs proches, etc. Et celui qui a étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya'lam dhalik, fa ils ont un haq alayna. Fa lihada qala ala jami' al-umma li'annahum humul mubalighun lahum jami' ma ja'ahum bihi nabiyuhum sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est qui a propagé din Allah azza wa jal wa sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam après le prophète alayhi wa sallam? Man? C'est ha'oula al-akhiyar radiyallahu anhum. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Wajahadou, ils ont délaissé leur famille et ils ont voyagé pour propager hadad din. Walillahi alhamd. Et ils ont appris le Coran et ils l'ont propagé bi idnillahi azza wa jal. Fakam min umur, des sacrifices qu'ils ont faits. Faakal shayin ahnou, le minimum, c'est de les aimer et de reconnaître hadal fadl et de faire dua pour eux. C'est pour ça que yushra التردي de dire رضي الله عنهم quand ils sont cités. قال فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. Donc c'est eux qui ont fait les efforts pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم قال رحمه الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث اللي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الحاشية كما سيسيتي دون النوت دو باك باج. قال فعلى الأمة أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ سعدي. فعلى الأمة أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وخصوصا في هذا الأمر الخاص وأن يوقروا أصحابه ويحترمونهم. نعم وهنا المحقق إلى فين بريسيزيون أن قوله ويحترمونهم الصواب سوى يحترموهم بالنصب عطفا على يوقروا. فالصواب سي دو نو با إكخير النون دو نو با لو برونونسيو. وأن يوقروا لباس سيوقرون لكن يعني حرف نصب عبان أن ويوقرون سما فعل مضارع فنصب بأن وعلمة نصبه سيحذف النون يحترمون سما فعل عبان يعني حرف العطف دونك إلي معطوف على يوقر دونك إلى لمم حكم إلي منصوب دونك الصواب سيدليغ ويحترموهم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ينوزع انترديد دو لي انسولتي لا تسبوا اصحابي. ثم عليه الصلاه والسلام الى مونتري فضلهم ومنزلتهم ف فوالذي نفس بيده لا جوري عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب si l'un d'entre vous il donne en sadaqa l'équivalent de la montagne de Uhud فتأمل l'équivalent d'une montagne en or ou en argent مهم en sadaqa ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة il n'atteindra pas le mud de l'un d'entre ses compagnons ولا نصيفة et pas la moitié والمد c'est connu c'est que le rassemblement des deux mains. Si tu rassembles tes deux mains et tu prends مثلاً, de l'argent ou des grains ou n'importe quoi, al-muhim quelque chose que tu veux donner, l'équivalent des deux mains jointes d'un sahabi, c'est l'équivalent d'une montagne pour nous. Bel qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la moitié, une main. Donc une poignée, si tu prends une poignée, même si nous on donne l'équivalent d'une montagne, on n'arrivera pas à la montagne de Uhud, on n'arrivera pas au niveau de Sahaba radiyallahu anhum. Enfin, ils ont un fadl azim. Pourquoi? Les annahum, ils ont cru au départ. Wa ta'lamoun anna celui qui croit au départ et qui fait des efforts au départ, c'est pas comme celui qui vient après. Nahnu wallahi alhamd, on a trouvé hadha al-Qur'an mahfoud et maktoub dans le masahif et on a trouvé sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam jumi'at dans des kutub. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alhamdulillah, on vit fi amn wa aman, en sécurité. C'est pas comme ceux qui étaient au départ et qui ont souffert, qui ont voyagé, qui ont combattu l'i'la'i kalimatillahi azza wa jal. Qala al-Sheikh Sa'di wa ya'taqiduna anna al-amal al-qalil minhum yafdhul al-amal al-kathir min ghayrihim kama fi hadha al-hadith. Wa hadha min a'zam barahin fadlihim ala ghayrihim. Ça c'est une preuve claire annahum ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après eux. قال الإمام نتيمية رحمه الله ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. العلماء جمعوا des livres في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. Et parmi les livres les plus connus, c'est une référence, Kitab Fada'il al-Sahaba de l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. Il a rassemblé beaucoup de hadiths fi Fada'il al-Sahaba, et sur les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Qala wa yufaddilun ay ahl as-sunnah ya'taqidun anna certains compagnons ils sont meilleurs que d'autres. فمثلا يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. Donc ceux qui ont cru avant صلح الحديبية ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après, qui ont cru après et qui ont fait des adorations après. قال الشيخ سعدي رحمه الله وقد ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة فضائل كثيرة على الأمة فيجب على الأمة الإيمان بها وأن يدين الله بها وأن يحب الصحابة لأجلها. نعم كسوا فضائل الخلفاء رضي الله عنهم أو أمهات المؤمنين للفم du prophète عليه الصلاة والسلام أو فضائل المهاجرين أو فضائل الأنصار ou ceux qui ont cru avant Fath Mekka ou après Fath Mekka ou avant Sulh al-Hudaybiyah ou après ala kulli hal tant que c'est un sahabi fa nuhibbuhu fillah et on a cette croyance que certains compagnons ils sont meilleurs que d'autres. Qala wa qila li Sulh al-Hudaybiyah fath lima tarattaba alayhi min al-masalih wal khayr al-kathir wa dukhul al-kathir fi al-islam. N'am hadha as-sulh al-azim qui a été cité fi sourati al-Fath, summiya fathun. Pourquoi? Parce que après hada as-sulh, sulh al-Hudaybiyah, il y a eu beaucoup de bien. Juste après, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa as-sahaba radiyallahu anhum fatahu Mekka bi-idhnillahi azza wa jal. La conquête de Mekka a eu lieu après. Kadhalik, ba'd al-ulama, ils ont cité Khaybar et toutes les futuhat qu'il y a eu après. قال لما ترتب عليه من المصالح والخير الكثير والدخول الكثير في الإسلام ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل ممن فعل ذلك بعده لما حصل لهم من السبق في الإسلام وقت ضعف المسلمين وكثرة الأعداء ووجود الموانع والمصاعب الكثيرة في طريق الإسلام. نعم، لأن avant صلح الحديبية، avant le pacte de l'Hudaybiyya، les croyants ils étaient pas aussi nombreux qu'après. Donc c'était plus difficile. Leurs ennemis ils étaient beaucoup plus nombreux, ils leur faisaient beaucoup d'injustice. C'est pour ça que ceux qui ont cru avant صلح الحديبية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، Allah سبحانه وتعالى a choisi certains, ils sont mieux que ceux qui sont venus après. Donc les croyants de notre époque qui sont venus des siècles et des siècles après les Sahaba radiyallahu anhum. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi sharhihi, نعم، il a cité ما يتعلق بالحديبية ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو الصلح الحديبية. نعم، أو on le laisse pour après. نعم، on citera باختصار، en résumé، الصلح، نعم، الحديبية، أي بيعة الشجرة، بيعة الرضوان. نعم، on le citera بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم قال المصنف، أي شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة. دونك أهل السنة يعتقدون أن المهاجرين sont أفضل، sont meilleurs que les أنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة avec le prophète عليه الصلاة والسلام، أي les habitants de Mecca et autres، لكن la plupart c'était des habitants de Mecca qui ont fait la hijra Al-Medina. Al-Ansar, c'est les habitants de Médine. Al-Aus ou Al-Khazraj qui ont accueilli Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Al-Muhajirin radiyallahu anhum ajma'in. Donc, Al-Muhajirun, ils sont afdal. Limadha? Li'annahu jama'u Al-Wasfayn, Al-Nusra ou Al-Hijra. Al-Muhajirun, ils ont fait l'Hijra. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés Al-Muhajirin. Et كذلك نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله. أما الأنصار، ils ont été appelés أنصار. لماذا؟ لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ودين الله. Vous avez remarqué que les muhajirin, ils ont les deux. Ils ont النصرة. النصرة c'est secourir. Et ils ont la hijra. أما الأنصار، ils ont que النصرة. Donc les muhajirun, ils sont أفضل. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد قدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر. فأولا أن الخلفاء الراشدين أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم c'est tous des مهاجرون. Tous des habitants de Mecca, ils ont fait la hijra. Et هؤلاء c'est أفضل الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع. C'est les meilleurs des compagnons. Et كذلك بقية العشرة qu'on citera inshallah بعد قليل. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah il les a cités. نعم. Fa haoula c'est tous des muhajirun. Et haoula al 10 c'est les meilleurs des compagnons. Les quatre califes et baqiyat al 10. قال وقد قدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل للجملة على الجملة لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من الآخرين. نعم، في سورة الحشر في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى إلى ستة المهاجرين والأنصار إلى dans les deux passages du Coran إلى ستة المهاجرون avant. لماذا؟ لأنهم ils sont meilleurs. قال عز وجل في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد قوله من المهاجرين والأنصار. Donc les muhajirun ils sont cités avant. وفي سورة الحشر قال الله عز وجل. Et كذلك في سورة التوبة un autre verset qu'on peut citer قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. Donc les muhajirun ils sont cités toujours avant l'ansar. وفي سورة الحشر قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى أن قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Donc la première partie c'est al-muhajirin, للفقراء المهاجرين. Et قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم c'est الأنصار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il a cité al-muhajirin avant l'Ansar. والعلماء يقولون c'est une preuve que al-muhajirun ils sont أفضل. والشيخ سعدي رحمه الله إلى ست بخصيصه هنا قال وهذا التفضيل للجملة على الجملة لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من الآخرين. نعم هذا أي كل مهاجرون يسون ميور كل أنصار سي في الجملة أي globalement لكن tu peux trouver un أنصاري كي ميور كمهاجري هذا يا أوكان دوت لكن النوع la catégorie ou le groupe des muhajirun, il est meilleur que le groupe des ansar. Amma al-afrad, tu peux trouver, voilà, chaque sans aucun doute, un ansari qui est meilleur qu'un muhajiri. Qala al-imam Nutaymiyya rahimahullah, wa yu'minuna bi anna allaha qala li ahli badr, wa kanu 300 wa bid'atu 10 y'amalu ma shi'tum, faqad ghafartu lakum, wa bi annahu la yadkhulu an-nar ahadun bay'a tahta ash-shajara kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bal laqad radiya Allahu anhum wa radu anhu wa kanu akthar min 1000 wa min 1400. Na'am ay alladhina bay'u tahta ash-shajara iz ta 1400 et ahlu badr iz ta 300 et quelques. Donc من عقيدتنا أن أهل بدر سأفضل الصحابة رضي الله عنهم ceux qui ont participé à la bataille de Badr. نعم وكذلك après eux الذين بايعوا تحت الشجرة أي après صلح الحديبية quand ils ont fait البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام et ils étaient 1400 à peu près. هؤلاء كذلك من أفضل الصحابة رضي الله عنهم. أما أهل بدر on a ولله الحمد résumé leur histoire, leur bataille dans شرح رياض الصالحين ولله الحمد الشيخ ابن عثيمين إلى cité شيء من هذه الغزوة. أما يكون ولله الحمد أما بيعة الشجرة c'est lié avec Sulh al-Hudaybiyya. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité un bref résumé, très profitable, qu'on peut lire bi-ikhtisar. Qala, rahimahullah, aïe dans son charh, après la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya, Qala, rahimahullah, ashabu shajra hum ashabu bay'ati ridwan. Wa sababu hadhihi al-bay'a. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدي. النبي صلى الله عليه وسلم il était déjà à Médine, c'était après l'Hijra, et مرة il a décidé de faire العمرة. Donc il est parti de Médine عليه الصلاة والسلام avec ses compagnons رضي الله عنهم en direction de Mecca et il voulait faire la عمرة. قال وكانوا نحو 1400 رجل ils étaient à peu près 1400 لا يريدون إلا العمر leur but c'était que العمر فلما بلغوا الحديبية quand ils sont arrivés à الحديبية وهي مكان قرب مكة في طريق جدة الآن c'est un endroit proche de Mecca sur la route de Jeddah à notre époque et quelques kilomètres de Mecca وبعضها من الحلو وبعضها من الحرم وعلم بذلك المشركون منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. المشركون à cette époque ils vivaient encore à Mecca et Mecca elle avait pas été encore conquise par le Nabi صلى الله عليه وسلم et ses compagnons. Et on y prétendait que c'était eux les gardiens du haram. Donc ils ont refusé l'accès au prophète alayhi salatu wasalam et à ses compagnons radiyallahu anhu. Zulm, de l'injustice. Surtout si on réfléchit à cette époque, le voyage de Al-Madin, min Al-Madina ila Mecca, Ils étaient arrivés à Mecca. L'Hudaybiyah, c'est à côté, quelques kilomètres. Et la distance entre Mecca et Médina, c'est 400 kilomètres, à peu près. Et ça demande des, en voiture, des heures. À pied, ou sur une monture comme le chameau ou autre, ça demande des semaines. Ben, ils sont arrivés et ils les ont empêchés. Et Talamoun, celui qui a fait le Hajj ou l'Umrah, Allah, quand tu arrives proche de Mecca, tu es pressé de commencer l'Umrah, tu es pressé de voir Al-Kaaba, tu es pressé de rentrer dans le Masjid al-Haram. Mais balou, quand t'as si wahid, il te dit là, tu ne peux pas. Khassatan si c'est un adou min a'da illah. C'est très très difficile. فقال شيخ العثيمين رحمه الله وجرت بينهم وبينهم مفاوضات وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة من حكمة الله عز وجل أنه il arrive à son prophète صلى الله عليه وسلم de négocier, de ne pas combattre. C'est pour ça qu'ils ont commencé les négociations. Ils étaient à l'Hudaybiyah, à cet endroit, à quelques kilomètres de Mecca, et des responsables de Quraysh sont venus et ils ont commencé à négocier. قال فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن تسير حتى قالوا خلأت القسوة حتى la chamelle du prophète عليه الصلاة والسلام elle ne voulait plus avancer. Et ça c'est من حكمة الله عز وجل أمر هذه الناقة ne plus avancer. أي pour que les négociations elles commencent. ثم قال شيخ العثيمين جرى التفاوض وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأن له رهطا بمكة يحمونه. النبي صلى الله عليه وسلم il a décidé d'envoyer عثمان رضي الله عنه à Mecca. Pourquoi? لأن عثمان il avait encore des connaissances à Mecca et Quraysh il ne pouvait pas lui faire de mal. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a décidé que c'est عثمان qui va parler en son nom عند قريش à Mecca. قال فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين. ثم une information elle est parvenue au prophète عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل أن قريش ils ont assassiné عثمان رضي الله عنه. Et كما قال شيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله وكبر ذلك على المسلمين. Et الصحابة رضي الله عنهم ça leur a fait beaucoup de mal. Et cette injustice, awalan, les priver, leur priver l'accès à Mecca et de faire le Hajj, ou plutôt l'Umra. Thumma, de tuer injustement Uthman, radiyallahu anhu. Qala, fada'a al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-Bay'a. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé tout le monde et il leur a ordonné de faire le Bay'a. Et de prêter allégeance sous cette arme. Et ils n'ont pas fait volontairement cette bay'a sous cet arbre là, lakin la bay'a quand ils l'ont faite c'était sous cet arbre. Fa li hadha Allah subhanahu wa ta'ala il a cité hadha fi al-Qur'an comme ça yati. Laqad radiya Allahu 'ani al-mu'minin id yubay'unaka tahta ash-shajara. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il a agréé tous ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous cet arbre. Donc c'est ça bay'at ar-ridwan. Vous avez remarqué l'an, vous avez compris plutôt le lien. Al-Hudaybiyah, al-Sulh, c'est les négociations dans cet endroit. Thumma, quand ils ont appris la nouvelle de la mort de Uthman, radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné de faire le bay'a, ils ont prêté allégeance sous cet arbre. Donc, ceux qui ont cru avant Sulh al-Hudaybiyah, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après. Et ceux, bien sûr, qui étaient al-Hudaybiyah, et ils ont tous prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik, ils font partie des meilleurs sahaba, radiyallahu anhu, après ceux qui ont participé à Badr. Thumma, قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont tous prêté allégeance au prophète عليه الصلاة والسلام أنهم ils allaient combattre les gens de Mecca Quraysh jusqu'à la mort. وكانت الرسل لا تقتل. لماذا؟ لأنه c'est un acte grave. L'intermédiaire dans les négociations, dans ce cas, Uthman, radiyallahu anhu, c'était interdit de les tuer. C'est pour ça que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, jamais tuait l'intermédiaire de Quraysh. Même s'il venait seul, il pouvait le tuer, il n'y a aucun doute. Lakin, les intermédiaires, ar-rusul, ceux qui rapportent les nouvelles pour négocier, Haoula, il ne faut pas qu'ils se fassent tuer. Et la rumeur, l'un, c'est qu'Uthman, radiallahu anhu, il a été tué. فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت. Donc ils ont prêté allégeance أنهم ils prenaient l'engagement de combattre jusqu'à la mort. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يبايع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم il était dans cet endroit sous un arbre et tous les compagnons ils venaient, ils posaient leurs mains sur sa main et ils prêtaient allégeance. قال يمد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم إلى ستي هؤلاء في سورة الفتح avec des versets طيبة جدا. قال وكان عثمان رضي الله عنه غائبا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان وقال بيده اليمنى هذه يد عثمان. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le bay'a à la place de Uthman, avec sa main droite sur sa main gauche, et il leur a dit, ça c'est la main de Uthman. Et je prête allégeance à la place de Uthman. Thumma tabayyana anna Uthman lam yuqtal. Au bout d'un certain temps, ils ont su que Uthman, il n'a pas été assassiné. Wa sarat ar-rusul ta'ti wa taruh bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa quraish hatta intaha al-amr ala as-sulh. Donc quand Uthman il est revenu radiyallahu anhu et ils ont su qu'il s'est pas fait assassiner, Quraysh ils ont continué les négociations et ils ont fini par aboutir à un sulh, un traité de paix. Le traité de l'Hudaybiyah. Et ils attaquent pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les attaque pas. Lakin ma hada ils ont refusé ma yata'alaq bil umrah. قال حتى انتهى الامر على الصلح الذي صار فتحا مبينا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الصلح c'était un fait عظيم. الحقيقة c'était un point de départ في النصر. أنهم ils allaient avoir le dessus. C'est pour ça que juste après ils ont réussi beaucoup de conquêtes et ils ont pris le dessus. ولله الحمد وجزيرة العرب la péninsule arabique qui sont tous rentrés في دين الله عز وجل. ذلك فضل الله celui qui patiente. فانظروا هذا الحال il est compliqué. Il était compliqué. Tu ne peux pas faire l'Umrah. Ils étaient obligés de retourner à Medina, etc. Alors qu'ils avaient le droit. Lakin, la patience. Allah subhanahu wa ta'ala amrahum bidhalik. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ils avaient le courage. Bien sûr, ils étaient capables. Ces 1400, ils étaient capables d'attaquer Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala yansuruhum. Comme il les a secourus fi Badr. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Ça nous éduque à apprendre à patienter. Une chose, tu ne peux pas l'avoir aujourd'hui, tu l'auras demain. Et كذلك, c'est une qissa hadith, c'est un dalil sur le fait de regarder le masalih, de regarder loin. Regarder le masalih, est-ce qu'il y a un profit, amla, les conséquences que ça va avoir, ce que ça peut engager comme mal, etc. ثم, الإنسان يتوكل على الله. على كل حال, هذه القصة اللي citée في كتب السيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا درس في السيرة. C'est un sujet très très important. Donc, Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, il a cité Ahlu Badr, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, et il a cité Sulh al-Hudaybiyah, il a cité Bay'atul Ridwan. La cite, est-ce qu'on a lu Kalam Cheikh Sa'di, rahimahullah? Naam. وكلا وعد الله الحسنى او انا في با فيني فالمهم اون كونتينيو. قال رحمه الله فاهل بدر واهل بيعه الرضوان يشهد لهم بالجنه والنجاه من النار على وجه اخص من الشهاده بذلك لجميع الصحابه في قوله وكلا وعد الله الحسنى. نعم هؤلاء من افاضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceux qui ont assisté à Badr et ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre. ولهذا قال المصنف رحمه الله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة والثابت بن قيس بن الشماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيتي أي بعينهم أي avec leur nom أن فلان il fait partie des gens du paradis. فأون دي كتل compagnon il fait partie des gens du paradis. Il n'y a aucun doute que Jami'a al-Sahaba radiallahu anhum, ils rentreront au paradis. لماذا؟ لأن الصحابي c'est celui qui a rencontré النبي صلى الله عليه وسلم croyant et qui est mort croyant. Et les croyants, ils rentreront au paradis. لكن on a des textes qui montrent que tel compagnon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé qu'il rentrera au paradis alors qu'il était vivant. Min ha'oula, bien sûr, al-ashara. Et Qais ibn Shammas, كذلك dans des hadith, Bilal, كذلك les femmes du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha, bien sûr. Qala, rahimahullah, wa hadha min a'zam al-fada'il takhsisu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lahum bish-shahadati wal-jannah. وهو من جملة براهين رسالته صلى الله عليه رسالته صلى الله عليه وسلم فإن جميع من عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم يزالوا مستقيمين على الإيمان حتى وصلوا إلى ما وعدوا به رضي الله عنه. نعم. tous ceux que النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit qu'ils rentreraient في الجنة ils sont tous morts à la خير. et ça montre صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن toutes ces informations elles étaient véridiques. العشرة المبشرون بالجنة ces 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a annoncé aux 10 qui rentreraient au paradis dans le même hadith hadith Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu et le hadith il est sahih et les 10 c'est Al-Khulafa Al-Arba'a Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali et كذلك Saïd ibn Zayd celui qui a rapporté le hadith, et كذلك Sa'd ibn Abi Waqqas, ou Abdurrahman ibn Auf, ou Talha ibn Ubaidillah, ou Zubayr ibn Al-Awwam, ou Abu Ubaida, Amir ibn Al-Jarrah, ou Ha'oula, c'est les 10. Donc 4 khulafa et les 6 qu'on vient de citer. Cheikh ibn Uthaymin, il les a cités dans le Sharh. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr fil Jannah, ou Umar fil Jannah, et il a cité les 10. Sa'd fil Jannah, Sa'id fil Jannah, ila akhir. Bel Saïd il a rapporté dans le hadith et il a cité que 9. C'est lui le rapporteur du hadith. Thumma, quand ils lui ont demandé le 10e, ils ont compris que c'était lui. Radiyallahu anhu. Amma Thabit ibn Qais. Son histoire elle est ma'rouf. Hein? Elle est citée fi as-sahihayn. Annahu. Quand le verset du Coran il a été révélé, قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. زيد أو plutôt ثابت بن قيس رضي الله عنه il a eu peur d'être concerné par ce verset. في حديث أنس رضي الله عنه إلى رابورتي أنه خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر فاختفى في بيته il s'est caché chez lui رضي الله عنه لماذا لأنه il a eu peur une fois d'avoir élevé la voix sur le prophète صلى الله عليه وسلم et que ses œuvres elles ont été annulées فالنبي صلى الله عليه وسلم il a demandé sur ثابت il ne le voyait plus et ils lui ont dit فبعث إليه رجلا يسأله عن اختفائه النبي صلى الله عليه وسلم il a envoyé un compagnon pour demander pourquoi ثابت il ne sort plus فقال إن الله أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا الآية وقال ثابت وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار il a dit أنا j'ai déjà levé la voix et mes œuvres elles ont été annulées donc je vais rentrer en enfer. Il a dit ça à ce compagnon. Le compagnon il est parti voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa ata ar-rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu bima qala Thabit. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà pourquoi Thabit il ne sort plus. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idhhab ilayhi ay va le voir. Fa qul lah innaka lasta min ahli an-nar walakinaka min ahli al-jannah. Il lui a dit, va le voir et informe-le qu'il ne fait pas partie des gens de l'enfer, bel il rentrera au paradis. فَبَشَّرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ Donc, هذا c'est un délit clair que ثابت رضي الله عنه, il rentrera في الجنة. ثابت ابن قيس. وَهَكَدَ بِلَال On a des adillah في بِلَال أن النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu ses pas في الجنة. وَهَكَدَ خَدِيجَ رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم il l'a informé أن الله سبحانه وتعالى il lui a donné un قصر un château في الجنة etc. beaucoup de adillah في هذا نستفيد من هذا أن ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis alors qu'ils étaient vivants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou radiyallahu anhum, c'est pas que les 10. Là, les 10, ils sont connus. Les malades, il y en a le même hadith, ils les citent. Vous voyez, là, on a des autres preuves que d'autres compagnons, ils ont reçu la bonne nouvelle alors qu'ils étaient encore vivants. Et on répète, anna jami'a sahaba radiyallahu anhum, ils rentreront fil jannah. Ben, c'est afdal al-nas, après les prophètes et les messagers. Alayhim as-salatu was-salam. Nakmin, ce passage, il est simple. On essaye de finir jusqu'à Ahl al-Bayt. Qala rahimahullah wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naql an amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib wa ghayrihi min anna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar wa yuthallithuna bi Uthman wa yurabbi'una bi Ali radiyallahu anhum kama dallat alayhi al-athar wa kama ajma' as-sahaba 'ala taqdim Uthman fi al-bay'a. Après avoir cité les catégories de Sahaba radiyallahu anhum, ay min haythi at-tafdhil, ay les meilleurs c'est al-muhajirun, ils sont meilleurs que l'ansar, thumma ahlu badr, ils sont meilleurs que les autres, thumma ceux qui ont cru avant bay'atu ou avant le Hudaybiyya, ils sont mieux que ceux qui sont venus après, ceux qui ont prêté allégeance taht al-shajara, ils sont meilleurs que les autres, wa hakada. Et après l'un, il a cité At-tafdhil min hayth al-a'yan, ay les compagnons eux-mêmes. Enfin, le meilleur compagnon, c'est Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, radiyallahu anhum. Qala al-shaykh Sa'di rahimahullah, ay wal khilafa, khilafatu ahadu al-itnain, lam yakun illa ba'd mushawarati jam' al-muslimin ala akhtilaf tabaqatihim, wal qissa mashhura fi kutub al-tariq. Na'am. Et Uthman قدم على علي رضي الله عنهم اجمعين لماذا لان عثمان il a été choisi par les sahaba رضي الله عنهم après la mort de Omar. Donc ça montre que Uthman il est afdal. Et les ulama يقولون ان ترتيبهم في الخلافه كترتيبهم في الفضل, اي l'ordre des quatre califes dans le califat, le premier Abu Bakr, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي, c'est le même ordre في الفضل رضي الله عنهم. Donc, l'ordre chronologique dans le khalif, c'est le même ordre fi al-fadl. Qala ma'a anna ba'd, on revient à Kalam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ma'a anna ba'd ahli sunnah, kanu qad ikhtalafu fi Uthman wa Ali, radiyallahu anhum, ba'd ittifaqihim ala taqdim Abi Bakr wa Umar, radiyallahu anhuma. À l'époque, il y avait un khilaf concernant Uthman et Ali. On ne parle pas fi al-khilaf, al-khilaf, il y a ijma' ahli sunnah. Le premier calife, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali, radiyallahu anhu. Lakin, il y avait un khilaf fil fadl. Est-ce que Uthman, il est meilleur que Ali, ou Ali, il est meilleur que Uthman? Qala ayyuhuma afdal, faqaddama qawmun Uthman, wa sakatu, wa rabba'u bi'ali, wa qaddama qawmun Aliyan, wa tawakafu, lakin istakarra amru ahli sunnati ala taqdim Uthman, thumma Ali. Naam. Donc, il y avait un khilaf à l'époque. Thumma, après, walillahi alhamd, Ahl al-Sunnah ijtama'u, ils étaient unanimes que Uthman il est meilleur que Ali radiyallahu anhum ajma'in. Qal wa in kanat hadhihi al-mas'ala mas'alatu Uthman wa Ali laysat min al-usul allati yudhallal al-mukhalif fiha 'inda jumhur ahli as-sunnah walakin allati yudhallalu fiha mas'alatu al-khilafa. Hama le fait de croire que Ali il est meilleur que Uthman radiyallahu anhum ajma'in, ça fait pas sortir la personne de sunna ou ça fait de lui un égaré. Là, là. Lakin, la chaque anna sawab anna Uthman il est afdal, radiyallahu anhum ajma'in. Lakin, fil khilafa, celui qui prétend que le khilafa de Uthman il n'était pas mérité, ou iyadun billah il était fondé sur l'injustice, etc. Là, c'est de l'égarement. Et au début du dars, on a cité Sayyid Qutb dans son tafsir et dans d'autres livres. Yat'an fi khilafati Uthman. Yat'an fi khilafati Uthman. Ba'duhum, il pense que Uthman, il était injuste et il a pris la place de Ali. Ça, c'est qu'on al-rawafid akhzahumullah. Mais ahl al-sunnah, ils y'attaquidoun anna Uthman, il a été choisi par ahl al-shura. Umar, radiyallahu anhu, avant de mourir, il a désigné certains compagnons. Min al-ashra et d'autres. Et son fils, كذلك, Abdullah ibn Umar, il a assisté. Et ils ont choisi. Et Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu, il a rapporté que tout le monde a choisi Uthman. Il a demandé à beaucoup de monde après. Et tout le monde a cité Uthman. Donc, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute via ça, lakin ad-dullal. قال وذلك انهم يؤمنون ان الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله. هذا كلام راسخ, كلام دا امام. Celui qui critique le califat d'un de ses compagnons, et des quatre califes, il est اضل من حمار اهله. Il est encore plus égaré qu'un حمار. C'est une expression que les Arabes disent. أَظَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. C'est un égaré. قال الشيخ سعدي رحمه الله يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين. أحدهما الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها الحاكم من قاض ومفت ومصنف ومعلم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. Bien sûr, si fait partie de أهل الاجتهاد. هذا المصنف هذا المعلم. Et cette مسألة, on l'a vu, والله الحمد, en détail dans notre livre, dans notre cours plutôt, dans l'Usul. على كل حال, أن الخلاف, si c'est في المسائل الاجتهادية, فcelui qui se trompe, من المجتهدين, bien sûr, il a une récompense. Et si il a الصواب, il a juste, il a raison, il a deux récompenses. Une récompense pour son ijtihad et une récompense pour avoir trouvé la vérité. S'il s'est trompé, il n'a que la récompense de son ijtihad et de son effort. الوجه الثاني الخلاف في المسائل الأصولية كمسائل صفات الباري والقدر والإيمان ونحوها وهذا يضلل فيها المخالفون لما دل عليه الكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أما الخلاف dans العقيدة في أصول أهل السنة, celui qui prétend مثلا que Uthman, c'était pas un calife, ou il ne devait pas être calife. Ou Iyadan Billah, il interprète les attributs d'Allah Azza wa Jal, il les déforme. Ou il rejette l'Hawd, ou la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, yom al-qiyama, etc. Les fondements qu'on a vus, c'est un égaré. Donc, bien différencié. Il y a des masa'il, c'est masa'il al-ijtihad. Al-ulama, il khtalafou, lakin, ça reste un khilaf entre Ahl al-Sunnah. Donc, on ne dit pas celui qui khalif, c'est un égaré. Là, al-mas'ala, viha sa'a, yaqoul. العلماء. أما certains بل les fondements, on n'a pas le droit de diverger. لماذا؟ لأن الحق est واضح. مثلا les attributs d'Allah سبحانه وتعالى, on a des textes clairs. فcelui qui rejette, c'est un égaré. قال فمسألة الخلاف والتقديم علي على عثمان فيها يعد من البدع التي من اعتقدها فهو في الغالب متشيع. أي مسألة الخلافة, celui qui prétend que Ali il devait être calife avant Uthman, هذا celui qui prétend cela c'est un égaré. وقد أزر بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف. نعم. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار ils ont été unanimes que عثمان méritait d'être calife. قال وأما التفصيل بين وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل الاجتهادية. أما sans parler de الخلافة, et si on revient à c'est qui le meilleur entre Uthman et Ali, radiyallahu anhum, فهذا الأمر, il est واسع, لا شك أن Uthman, radiyallahu anhu, il était أفضل, كما قال l'imam Nutaymiyyah, rahimahullah, أن par la suite, les savants de la sunna, ils étaient unanimes على ذلك. Donc c'est un ijma. On n'a pas le droit de le khalif, c'est un ijma, إذا اجتمعوا, on doit suivre هذا القول. أما ما حصل من قبل فسيت فوندي سور الاجتهاد et ça faisait pas du mukhalif un égaré, والله تعالى أعلم. Et demain inshallah on essaiera de terminer هذا الباب et on reprendra à partir de أهل البيت. لأن ce chapitre شيخ الإسلام il a cité les compagnons رضي الله عنهم ثم il a cité la famille du prophète عليه الصلاة والسلام et كذلك d'autres مسائل في الصحابة. Donc inshallah demain on essaiera de continuer. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وننتقل إلى notre deuxième درس إن شاء الله.